les jaloux se torturent, que les vrais loups s'aventurent sans limite de son clature, avec une petite voiture. On part pour la culture, mais aussi pour l'ouverture. C'est la séance écriture, donc aux œufs des ratures. À bonne température, les gens dansent, ils sont matures. Ne sont pas comme des sculptures, ils s'en foutent des fractures. Ils invitent des créatures, ou posent des candidatures. Et une fois la bonne capture, bah ça sent la rupture. Réveille le matin, ensuite le rêve un matin. Et si pas de baratin, je suis mort comme le latin. Rêve de me coucher comme si j'étais une catin. Mais je dors fuir en guerre, car je suis un paladin. Danse sur le beat et perds ton talent. Danse sur le beat et perds ton talent. Miss Kiss, laisse-moi te faire la bise sur ta joue et puis sur ta cuisse. Danse sur le beat et perds ton talent. Danse sur le beat et perds ton talent. Miss Kiss, laisse-moi te faire la bise sur ta joue et puis sur ta cuisse. Alors je me lève et puis prends un bol. Rajoute du lait et dessert à le mol. Je le mets au micro-ondes et puis j'attends 20 secondes. Une fois que sonne le gong, je bouffe ça comme King Kong. Maintenant que j'ai graille, direction la salle de bain. C'est vrai que je suis dime, il faut bien que je me lave. J'enfile mes habits, mis la veille du lendemain. Je prends un petit rasoir et chante. J'y laisse la perfection au masculin. Pardon. Je prends ma brosse à dents pour me nettoyer les dents. J'avoue que c'est évident, mais tu devrais en faire autant. Maintenant que je suis propre, je prends mon sac d'école. Direction le lycée, direction cette putain d'école. On est là pour faire la fête, faut pas se prendre la tête. Je répète, on est là pour faire la fête. Faut pas se prendre la tête, je répète, on est là pour faire la fête. Faut pas se prendre la tête, je répète, on est là pour faire la fête. Faut pas se prendre la tête. Danse sur le beat et perds ton talent. Danse sur le beat et perds ton talent. Miss Kiss, laisse-moi te faire la bise sur ta joue et puis sur ta cuisse. Danse sur le beat et perds ton talent. Danse sur le beat et perds ton talent. Miss Kiss, laisse-moi te faire la bise sur ta joue et puis sur ta cuisse. Danse sur le beat et perds ton talent. Danse sur le beat et perds ton talent. Miss Kiss, laisse-moi te faire la bise.